Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado diffusion, pas de problème. Oui, toujours sur le bord de m'enfarger sur balado diffusion. Je sais pas, il y a des mots comme ça qui... Ouais. Moi, c'est catch. Voyons. Catch. C'est joke. Catch. Non, mais toy boat. Oui, toy boat, quand même. Le dire trois fois rapidement, c'est pas facile. Toy boat. Catch. Ah, non, regarde. Alors, ici Frédéric Vaucher en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Et Mathieu Bouillon. Salut JP, salut Fred. Salut Antoine. Salut. Hey. Qu'on appelle aussi Mathieu Bourrand. Mathieu Bourrand. Mathieu Bourrand. Bonsoir. Don't get me started on the Bourrand. Don't get me started. Boat. OK, alors, monsieur... Monsieur Bouillon. Oui. Vous avez un problème à nous proposer? Oui. Nous avons un podcast. J'ai reçu un problème sur le Facebook qui m'a touché énormément, je dois dire. Je l'ai shotgunné parce que je le trouvais d'un drame intense. Hey, toi. Donc, Mathieu Bergeron, hein, un nom qui me ressemble en plus, nous écrit. Oui, ça se rapproche de Bourrand. Oui, Bergeron. Quand même. Bergeron. Mathieu Bergeron. Bon. Bonjour les casseurs de problèmes. J'ai un problème de taille. Je ne supporte plus l'alcool. Dès qu'une soirée dépasse quelques consommations, le lendemain n'est que fatigue et mollasserie. Impossible de travailler, de m'entraîner ou pas mal quoi que ce soit en fait. J'aimerais arrêter de boire ou à tout le moins m'arrêter après quelques verres. Mais c'est dur avec des amis du genre fêtard. Que faire? Donc, hein? Oui. C'est lancé, mais c'est difficile. C'est un bon problème. C'est difficile aussi de faire la lecture du problème parce que... Jean-Philippe... Sur l'ordinateur de Jean-Philippe, parce qu'il niaisait avec... Il était truqué. L'éclairage. Avec l'éclairage. Oui. C'était fou, hein. Hey, un problème, hein? Moi aussi, je pense que... Ouais, moi, je vais prendre de ces solutions-là. Hein. Ouais, moi aussi. Ben, en fait, je dois avouer que les soirées à prendre un verre sont moins... Il y en a moins. Oui, pour moi, là, depuis quelques années. Je sais pas. Parce c'est fini, moi. C'est fini, Antoine. Jeune enfant. Oui. Pas vraiment de carrière. Mais là, à bois, en sac. Rien qui fonctionne. Et là, j'ai une balado-diffusion qui, finalement, les gens votent pas vraiment pour la noter. Non, moi, c'est... Je vais peut-être tomber là-dedans. Non, c'est plus dur qu'avant. Ouais. C'est sur l'âge. Tranquillement. Les lendemains sont tellement plus durs aussi. Mais il y a des trucs, Oui, je pense que oui. J'adore ça. Est-ce qu'il y a des deux trucs techniques, Antoine? Oui, bien sûr. Okay. Souvent, le mal de tête sur le lendemain, c'est un problème de déshydratation. De l'eau. Hein? Un verre d'eau pour un verre d'alcool avant de se coucher. Bing, bang. Potassium, j'ai entendu dire. Potassium, ouais. Je pense qu'on entend ça. En fait, quand ça déshydrate, la membrane qui entoure notre cerveau se contracte. Et c'est ça qui fait mal. Alors, avoir de l'eau. Également, éviter les alcools foncés. OK. Oui. Plutôt avec les alcools pâles. Je pense qu'on va être obligé de mentionner... Stuff You Should Know. Oui, qui est une autre balado diffusion. Oui. Des collaborateurs ont fait un épisode sur le hangover, sur les causes des malaises le lendemain. Ça vaut la peine d'écouter. Ils donnaient ces quelques conseils qu'on vous résume. Mais pourquoi les alcools foncés? Rapidement. Elles sont moins filtrées. OK. Plus c'est pâle, plus c'est filtré. Moins il y a de cochonnerie. OK, je comprends. L'alcool pur, plus il est pur, moins ça va te causer de problèmes. Ouais. Ben, en fait, sur le coup, ça va être difficile, là, mais... Je comprends. Ouais. Par la suite, tu vois l'idée? Okay. Donc, de l'eau, des petits shooters de vodka, lendemain, boum! Easy. Pile poil. Mais c'est pour ça aussi que les soirées de cuite en Europe semblent moins dures que les soirées ici. Qualité de l'alcool. On nous a parlé des agents qualité. Concernés. C'est malade. Là. J'avais pas malade. Peut-être aussi parce que, je sais pas, on est conditionné. Mais tu sais, je pouvais faire quelques soirées en ligne, pas de problème. Puis, j'ai une plug-in là-bas. Mais tandis qu'ici, ça prend. Mais c'est pas juste une question de conditionnement, comme tu viens de le dire, Fred, parce que tu le sais que tu travailles pas le lendemain. Toi, c'était souvent des cadres de voyage, de tournée, des choses comme ça. Fait que tu bois comme des trous, mais tu sais que le lendemain, t'as pas à te lever à 9h pour aller dans un bureau, faire semblant de se faire. Parce qu'il y a toujours un Français qui t'héberge. concierge qui dit « Allez, viens, on va te faire, on va aller visiter ça. » Puis à 10 heures le matin, quand tu n'as pas envie d'y aller. Mais, étonnamment, tu es en forme quand même. Ouais. C'est psychologique, tout voyage, ça. Voyage psychologique. Mmh. Donc, s'il se met dans la tête qu'il est en congé le lendemain, il va se lever pour aller travailler, il n'y a aucun problème. Ah, ouais. Bing. Oui. Non, mais moi, je pense qu'il faut connaître ses limites personnelles. Ouais. Moi, dernièrement, j'ai adopté une nouvelle règle dans ma vie d'amateur d'alcool. Moi, ouais. Ça m'arrive de boire un verre. Plus de shooter. Je touche plus à ça. Ah, non. Ça brouille les cartes. Moi, c'est traître. J'ai réussi à contrôler un peu la bière. Tu sais, je bois, puis jusqu'à... Je me sens bien. Là, j'ai un petit feeling, puis je trouve ça drôle. Mais si je viens prendre un shooter, là, ça débalance toute la soirée. Le lendemain, c'est sûr que je suis scrap. Je pense que c'est ça. Donc, connaître ses limites, faire des tests, hein? Ouais. Se préparer peut-être avant le week-end. Le vendredi soir, tu sais que samedi, dimanche, tu fais rien. Teste quelque chose. Ouais. Mentir à tes amis sur ta consommation d'alcool aussi pendant que t'es là. Eux deviennent de plus en plus sous, donc c'est facile de dire « Ben non, c'est mon troisième verre », quand finalement, c'est ton premier encore une fois. Si tu veux te faire accepter, tu peux faire semblant relativement facilement. Le panaché? Le panaché, bon truc, qui en Europe est un mélange de limonade et de bière. Oui, mais ici, c'est genre 7-Up bière, là. C'est ça, exact. Oui. Puis aussi... Reste à savoir jusqu'où tu veux sauver de l'argent ou non, disons. Ouais. Parce que c'est possible de commander sans tout boire, en te rendant aux toilettes de temps en temps et en jetant de l'alcool, tout simplement, en faisant comme si devant tes amis, tu l'avais bu et tout ça. Là, c'est sûr que tu fais pas d'économie d'argent, même que tu perds de l'argent, mais au moins le lendemain, tu n'as pas un mal de tête énorme au travail. Ou une place là où il y a des fonds de pichet qui traînent, là. Exactement. Tu vas te remplir un verre. Tout simplement. Puis là, tu fais hey, chin-chin. Ouais. Ou tu te donnes une responsabilité, conducteur désigné, par exemple. Oui, très bien. C'est sûr que je pense que ça peut t'obliger à diminuer ta consommation. Ah, j'aurais jamais dû amener mon bébé ici, tu sais, des... mais si je comprends bien le problème, là, c'est pas que, tu sais, pas boire, c'est une solution, là, on s'entend, tu sais. Ouais, mais il a arrêté, sauf que, là. Oui, oui, sauf que, tu sais... Il a arrêté aussi. Je comprends que... Le problème, c'est peut-être que dans une soirée de même, il y a envie. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est trouver. Moi, je pense que j'ai diminué les occasions de prendre un verre, de rencontrer des gens dans d'autres situations. Peut-être faire des nouveaux amis. Ça peut être bon. Oui, mais d'autres types d'activités, là. Oui. Un brunch, le dimanche matin, c'est plus dur de se saouler. C'est possible. Le mimosa. Oui, mais c'est rare qu'on se rend là. Tu prends un café, deux mimotés. Café Sambuca! Et tournée de shooter, deux œufs tournés, non. Des œufs dans le brandy. Ouais. Bon, là, je vois que vous avez plein de trucs. Vous avez plein de trucs pour boire constamment. Félicitations. Ouais. Il doit y avoir quelque chose à faire avec des antibiotiques aussi. C'est ça. Hein, exactement. Comme prétexter. Mettre sa vie en danger. Voilà. Ou attraper une très mauvaise grippe sciemment. Pour s'empêcher de boire pour mettre des antibiotiques. Un médicament ou un produit qui permet de boire plus? Est-ce que ça existe, ça, d'être plus résistant à l'alcool? La coke? Tu peux couvrir ton estomac avec de l'huile, par exemple. Il y a des choses comme ça qui permettraient certaines tolérances supplémentaires, mais... Ça se peut. Sans plus. Tu touches à un sujet tabou, Fred, mais moi, j'allais rentrer. Si tu veux éviter l'alcool et faire le party, c'est peut-être de passer aux drogues plus dures. Non, mais moi, j'ai c'est une de mes solutions. J'ai habité avec un coquin. Un ex... un narcotique, un narcotique anonyme, là. OK. Bref. Il m'expliquait, lui, qu'il travaillait dans un bar et, justement, de faire de la cocaïne lui permettait de boire beaucoup plus. Ah oui, ça lui redonnait ça. Oui, ça, tu sais, dans une fin de soirée, là, t'en as bu je sais pas combien, puis là, t'es sur un down. Oui. C'était pas le soir même, en fait. C'est le lendemain matin qu'il a discuté à travailler. Oui. Petite ligne de coke, bonsoir. C'est ça, bing. Sauf que, moi, sincèrement, je trouve que... Mathieu, je te propose pas cette solution-là. Ouais. Ah, OK. Non. Ah, là, on enlève des solutions à cette heure? J'ai dit non. Moi, je trouve que c'est une solution. Okay. Ouais. Évidemment, choisir ses moments. Il y a la difficulté le lendemain à travailler. Se trouver des soirées où le lendemain, on ne travaille pas. Tout à fait. C'est bien. Ou commencer plus tôt. Le party. C'est le lendemain qu'il a discuté. Très bon, ça. Des affaires comme ça, changer un peu son horaire. Mais des fois, commencer plus tôt le party, on le fait juste plus longtemps. Oui, c'est ça, il y a un piège, là, c'est clair. Mais quand tu sors, tu prends ta douche, tu sors à 10h30, tu arrives à 11h dans un bar, tu travailles le lendemain. Oui. C'est déjà tough. Il y a un problème. Se trouver un ami vraiment plate comme moi, disons, qui boit pas beaucoup, comme ça, en comparaison, même s'il boit juste deux pintes, il a l'air d'un ivrogne fini. Oui, c'est vrai. OK, ouais. Des alcools très mauvais, là, ça peut nous décourager un peu. Là. Mettons que tu te donnes juste le droit à la... Ouais, soit à la crème de menthe ou à de la sambuca, là. Ouais. Tu sais, tu veilleras pas longtemps. Là. Sambuca a flambé dans l'hier. C'est bon. Ouais, c'est un peu bon, mais... mais je voulais aborder avec vous le sujet là, des fameux Sober September, là, les gens qui se donnent des mois de sobriété. Mm-hmm. Je pense que quand tu te donnes ce défi-là là, sur une limite de temps, je pense que c'est possible de croire en sa volonté puis de se dire, ouais, ce mois-ci, là, je diminue. Puis là, si tu vois que tu as eu des bienfaits qui viennent de ça, ben, peut-être que ça va poursuivre ton désir de moins boire. Parce qu'il y a évidemment moyen d'arrêter les AA, par exemple. Oui. 12 étapes, 12 traditions, 12 concepts. Ah. Ah, c'est magique. Et vous le savez, moi, je suis un gros fan du laser, dont on a souligné le 50e anniversaire. Oui. Stop alcool, même concept qu'avec la cigarette, mais au laser. Deux traitements de laser, suivi de deux traitements d'appoint, indépendamment. Okay. Et semble-t-il qu'on pourrait arriver jusqu'à 90% de réussite sans douleur, ni effet secondaire, ni sevrage. Wow, c'est bien bon. Coupe de coup de laser. Ah ouais? Oui. Ah, je sais pas si ils peuvent te redonner le goût à l'alcool avec un autre shot de laser après. Toi, ton son de laser, c'est zip-zip. Zip-zip. Oui. Moi, c'est piou-piou. Piou-piou, oui. Non, ça dépend. Piou-piou, c'est plus le... Ça, c'est le laser... le fusil laser. Ouais. Piou-piou. Piou-piou. Piou-piou. Un laser, c'est zip-zip. Ah. Tu vas pour un traitement, là. Ouais. Zip, zip. Je sais pas. Dans l'oreille, zip. Et quel est votre son à vous? Envoyez-nous des fichiers sonores. C'est ça, ouais. Oui. J'avais une autre idée, moi, pour diminuer sa consommation d'alcool. Ben, c'est la bière light, là, la Bell Coors Light de douchebag. Ben, au moins, tu peux en boire trois fois plus, puis tu as moins d'alcool dans le sang. Mm. Sans alcool. Ouais, elle est commandée au bar 1.5. Voilà, c'est déjà gênant. Peut-être raffiner ses goûts, aller, tu sais, justement, tester des alcools qui coûtent cher, de haute qualité. Moins, Moi, quand je bois de qualité. Ouais. Boire moins pas et boire mieux. C'est du cristal. Ouais. Parce que c'est fait pour se boire tranquillement. Ouais. Fait que t'aurais l'air fou de le boire rapidement. Ouais. Au contraire. Mm. Ça, c'est vrai. Boire moins et boire mieux. Ouais. Mm. C'est bien ça, frère. J'ai beaucoup d'amis enceintes qui disent ça. Elles boivent moins et elles boivent mieux. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? J'essaie de relire le problème pour m'inspirer des mots exacts. Un peu, ouais. Parce que là, j'ai fait le tour un peu. Mais non, mais écoute, il y a les vieux classiques, là, boire un verre d'eau entre chaque consommation. Ce qui est toujours très bon. Écoute, tu peux y aller pour les deux Tylenol avant de te coucher. Oui. Ou en te levant. Ouais. J'aimerais savoir, les gars, mettons, votre théorie sur... manger. Sur la poutine d'avant se coucher. Pensez-vous que c'est bon ou que c'est pas bon, finalement? Pensez-vous que c'est bon pour se remettre ou... Ben, moi, je pense que là, ça peut aider pour, être en forme le lendemain, mais pas nécessairement... pour être en forme dans la vie. Dans la vie. C'est ça. Puis plus tu vieillis, plus tu sens la poutine. Le matin, c'est dur. J'ai jamais été capable. C'est intéressant. On dirait qu'on est tous des vieux garçons. T'avais dit quelque chose à dire, Antoine? Non, mais j'ai rien à dire, sinon que, écoute, là, différentes études, à part le temps, il n'y a pas grand-chose pour ralentir les effets de l'alcool. Mais pensons, qu'est-ce qu'il pourrait faire le matin pour ne pas être mollasson au travail, même s'il a bu? Ah, ben, il pourrait se motiver avec une promesse d'alcool plus tard dans la journée. Mm-hmm. Et le cercle vicieux est commencé. C'est fait. Ah oui. Ben, toujours plus. On connaît tous la solution du préparation H sous les yeux. Ah, ça, vous connaissez ce truc cosmétique. Mm-hmm. Les lendemains de brosse majeurs, là, tu peux te mettre un peu de préparation H pour éliminer l'effet d'oxydation des cernes. Ouais. Et tes hémorroïdes aux yeux. Ouais. Ben moi je l'ai jamais fait là, mais parce que j'ai déjà un traitement anti-cerne à la maison. Mais il y a un moment tu parles de ça, je me rappelle de cette anecdote là de la porte-parole des galeries de la capitale il y a environ une dizaine d'années. J'aime déjà ça. Qui s'appelait Claude je me rappelle pas, c'était celle qui fait New Look, les publicités, là, qui faisait aussi le zoo de Granby, je pense, en anglais et en français. Il y avait une invitée spéciale au parc d'amusement, le méga-parc des Galeries de la Capitale, et c'était Claudia Schiffer qui était là. Wow! Elle avait posé quelques questions sur son métier de mannequin, et la dernière question avait été, est-ce que c'est vrai que vous vous mettez ça en dessous des yeux? Justement. Et l'entrevue, c'était fini abruptement à cette question. C'est sûr que le relationniste de l'autre a fait. On revient plus. Non, plus jamais. It's a loss of time. No gallery de la capitale. Pourtant, moi, je dirais pour manger, bien manger le matin, un bon déjeuner. Je pense que ça peut... Tu sais, il te faut un peu de... Faut se forcer. De carburant pour ta journée. Et oui, c'est ça, faut se forcer parce qu'on n'a pas le goût de manger, on n'a pas le goût de boire, mais il faut boire et manger. Et, le pep, un bon café. Là. Moi, je... C'est sûr. Une bonne job aussi, il faut peut-être penser à changer. Oui. Quelque chose qui nous motive, ouais. Qui fait que la veille, tu te saoules pas complètement. Là, tu te dis, non, je travaille demain. J'ai des choses importantes à faire. Une job plus libre où tu as un contrat annuel plutôt que des heures précises. Là, peut-être plus d'estime personnelle. Oui, mais il faut changer d'amis. Dans sa question, il parle, c'est difficile à cause de mes amis. Oui, c'est ça. Alors, soit se trouver des amis qui ont aussi du travail. Je disais, raffiner l'alcool, raffiner les fêtes. Raffiner les amis, bonsoir. Mais non, tu sais, parce que là, tu sais... De toujours aller dans le même bar, à la même place, faire la même affaire. Tu sais, tu fais non. Moi, si je bois cette semaine, c'est parce qu'on va au. Comment ça s'appelle, là? Le... Au paintball. Au paintball. Tu raffines comme le tag bar. Non seulement. C'est l'activité intellectuelle qui soulève. Au travail, le lendemain, non seulement t'es complètement saoul, mais en plus, t'as des bleus partout sur le corps. Et voilà, c'est raffiné, ça. Hey, ça, c'est des soirées raffinées. C'est pas de notre faute si tu fais ton paintball en bédaine, Antoine. Oui. Ah! J'ai peur de rien! J'ai peur de rien. Les pines de cuir. Les... Piou, piou! Les pines de cuir. Dip, dip, le traitement. Piou, piou! La distance. Oh, mais des genres de fêtes là, qu'on pourrait faire pour boire, mais qu'on ne fera pas à chaque semaine. Tu fais parce une que fête c'est, au travail. Au travail. À tout le monde de ton travail et magané le lendemain. Alors, au moins, ça paraît moins ou le bif, t'es plus tranquille. T'arrives, t'arranges avec ta job pour faire la fête l'après-midi. Ben, c'est ça, tu décales ton affaire. Oui, ça, non, c'est mais brillant, avec, ça. Je combine deux de tes solutions. C'est génial! Deux de tes solutions. Je pense qu'on l'a. Des fêtes, des parties, là. Quel genre de party? Tout à fait. Tu cherches des parties thématiques ou... Médiévales, tu sais, on fait... Médiéval. Hey, moi, je bois juste cette semaine si on fait un party médiéval. Ça prend... Ça... Ou des choses où t'as pas le goût de boire de l'alcool, tu sais, des dégustations de bon lait ou des choses comme ça. Ou peut-être, si, ça dépend, peut-être tu devrais juste attendre Mathieu avec l'âge. Il y en a qui vont avoir des enfants là-dedans, Oui. Et les événements vont devenir des événements de personnes plus âgées, pour ne pas dire des personnes âgées, mais plus âgées. Oui. Donc, des regroupements d'enfants, des déjeuners, des midis, une fête au McDo, le cachalot. De Sainte-Julie, le Fun Zone. Ouais. Ça change. C'est vrai. Jungle Aventure. Ça change. Ouais. Il parlait d'entraînement aussi, Mathieu. Ben ça, devenir obsédé par son corps, ça, c'est une bonne façon de couper l'alcool aussi. Oui, mais ça, c'est un autre problème, Mathieu. Bref. Mais là, tu parles à l'autre Mathieu. Là. C'est vraiment... Mais c'est vraiment... Non, mais ça crée un autre problème, là, être obsédé par son corps. Je trouve vraiment que c'est un problème. Ouais. C'est vrai. C'est pas de bon sens. Alors... Obsédé, c'est jamais bon. Ouais. Peu importe c'est quoi. Tiens, je l'ai dit. Mais je suis prêt, je suis peut-être prêt à dire ma solution préférée. Laquelle c'est ce que ce serait? Se connaître. Oh. Tester, connaître ses limites, faire. Puis les respecter aussi, se respecter et se connaître. Oui. C'est un peu intense, là, mais c'est ça. Boire moins, boire mieux. Boire moins, boire... Pianieux, pianier. C'est ce que j'ai dit, Boat. Falado biduction. Organiser des parties de bureau. Comme ça, au moins, t'es pas seul le lendemain. De beuverie. De bureau, avec tes amis fêtards. Tu arrives à les intégrer. Tu sais, une fois par semaine. Alors là, au moins, ça balance la patente. Diminuer de moitié sa consommation d'alcool, mais se permettre un petit joint à travers. Moi, je pense de même, là. Je pense que les fois où je vais prendre un verre, peut-être même le verre de trop, souvent, c'est parce que j'ai l'occasion de dormir jusqu'à 10-11 heures le lendemain. Uh-huh. Et je dois vous avouer que quand je dors jusqu'à cette heure-là, le mal de tête, moins pire, ben ouais. Et des fois inexistant. Inexistant. Très, très fort. Donc, ouais. Juste prévoir, tu sais, fêter le vendredi soir quand tu sais que tu dors le samedi. Hein, c'est la base, là. Commande, Mathieu. Mais merci de nous avoir envoyé. Oui, merci. Oui, merci. Beau problème oui. Qui nous touche tous. Et continuez. Continuez à nous envoyer des problèmes. Des commentaires aussi sur iTunes, tout ça. Suggestions de solutions, c'est bienvenu. Exactement. Notre but? Devenir le premier podcast francophone sur iTunes. Numéro 1. Premier numéro 1. On a jusqu'à décembre 2011 pour que ça arrive. Ouais. Oui, je le me temps trompe. Passe. Décembre 2010. Hein? Tu viens de couper ça, tu viens de nous enlever une année. Ouais, c'est ça. OK, ben let's go, la gang! J'étais trop mollo dans l'objectif. Lâchez pas. Hey, merci, Vincent de Sonar. Merci. Ouh, fidèle au poste. Un plaisir. Yeah, nous autres, on est pépépé. OK. Alors, le mot de la fin. À toi, Fred. Ah, ouais. Ben, ça va me faire plaisir. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Oui. Salut!